la spiritualisation de l'ego un peu comme une montée en montgolfière. Et la spiritualité jouerait un peu le rôle d'un gaz, d'hélium, et qui ferait monter l'ego dans des altitudes de plus en plus élevées à la rencontre de l'esprit. En tout cas, c'est un peu philosophique, mais c'est comme ça qu'on le perçoit, métaphysiquement également. C'est ce qui est supposé arriver, c'est l'élévation de l'ego, l'ego qui rencontre l'esprit à ce moment-là. Mais indépendamment de notre volonté à vouloir nous spiritualiser, il arrive bien souvent que des événements extérieurs, tout à fait matériels ou physiques, finissent par traverser le ballon un peu comme des flèches ou des dards, et notre spiritualité éclate en morceaux à ce moment-là et le ballon retombe à terre. Et on est obligé de faire face et d'affronter le plan matériel, de reprendre des racines dans le sol. Est-ce qu'il y a une façon harmonieuse d'aller à la rencontre de l'esprit tout en conservant un contact avec la réalité physique? Bon, vous parlez d'aller à la rencontre de l'esprit. L'homme qui va à la rencontre de l'esprit fait cette expérience parce qu'il y a en lui de la mémoire. Il y a en lui des liens anciens sur le plan de l'expérience avant la descente dans la matière. La spiritualisation de l'homme, ça fait partie d'une sorte de contrat entre le monde invisible et le monde de la matière, le monde de la mort et le monde de la matière. Et lorsque l'homme vient dans la matière, il remplit ce contrat d'une façon inconsciente. Et petit à petit, au cours de sa vie ou au cours d'autres vies, il vit l'expérience de l'esprit à travers son inconscience, il se spiritualise et il souffre. Parce que ce que nous appelons l'esprit, ce n'est pas ce que nous pensons. La spiritualisation de l'homme fait partie de l'illusion de l'homme vis-à-vis le monde de l'esprit. L'homme aujourd'hui entre dans une nouvelle évolution, donc il est amené à comprendre, à voir, à saisir les illusions, c'est-à-dire à percevoir la réalité d'une façon qui ne convenait pas dans le passé, parce que dans le passé, son rôle était, sur le plan matériel, de spiritualiser sa matière, c'est-à-dire de la rendre un peu moins animal et un peu plus près de ce que nous appelons l'esprit, c'est-à-dire un peu plus près des valeurs que l'esprit pouvait donner à l'homme, soit à travers les religions, les systèmes ou intuitivement. Mais dans le passé, l'expérience de l'homme sur le plan de la spiritualisation était toujours une expérience fondée sur sa mémoire. Et aussitôt que l'homme commence à se spiritualiser, il s'aperçoit éventuellement que tout le matériel de sa mémoire est utilisé dans sa spiritualisation. Donc, inévitablement, l'homme souffre parce qu'il est obligé, dans ce processus, de se débarrasser petit à petit de sa mémoire, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui ne fait pas partie du monde de l'esprit, mais qui fait partie du monde de l'homme. À travers les différentes incarnations? À travers les différentes incarnations, et encore plus aujourd'hui, parce que la spiritualisation de l'esprit aujourd'hui est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus philosophique que dans le passé. Mais aujourd'hui, l'homme souffre beaucoup plus dans la spiritualisation de l'esprit parce que il est obligé de subir seul, indépendamment de la grande masse, cette spiritualisation. Je parle de l'homme qui est suffisamment avancé dans ce processus. Donc, comme vous dites, sa montgolfière monte. Et éventuellement, il se retrouve dans une stratosphère où, à cause des problèmes matériaux qui deviennent de plus en plus mal réussis, si vous voulez, le travail n'a plus d'importance, l'argent n'a plus d'importance, le matériel n'a plus d'importance. Donc l'homme se trouve dans une situation où il est complètement séparé entre son expérience spirituelle et son expérience matérielle. Donc éventuellement, la montgolfière s'écrase. L'homme souffre. Dans le nouvel homme, dans la nouvelle évolution, l'homme réalisera ceci, mais il sera obligé de faire la montée en montgolfière. Parce que il sera obligé d'être sensibilisé au pacte évolutif qu'il aura signé avant la descente dans la matière. Mais cette sensibilisation-là, un jour, il sera obligé de la dépasser. Sinon, il n'y aura pas de fin à la spiritualisation de l'homme. L'homme doit, un jour, en arriver à non pas être spirituel, c'est-à-dire non pas être déchiré entre l'invisible et le matériel, mais il doit, un jour, être intelligent, c'est-à-dire être capable de réunir, de faire la synthèse de ce que nous appelons l'invisible et le matériel. Mais lorsque je parle de l'invisible, je ne parle pas de l'invisible de la même façon que l'homme le conçoit. Pour l'homme, l'invisible, c'est le monde de l'esprit. Tandis que pour moi, l'invisible, c'est le monde de l'énergie qui est au-dessus du monde de l'esprit et au-dessus du monde de la matière. Autrement dit, c'est l'infrastructure du cosmos. Et pour que l'homme on arrive à être intelligent, c'est-à-dire créatif dans son intelligence, il faut qu'il voit, il faut qu'il en arrive à voir l'illusion de la spiritualisation, c'est-à-dire l'illusion du pacte qu'il a signé avant la descente dans la matière. Pour qu'il en arrive un jour à contrôler l'énergie qui fait partie de sa conscience à tous les niveaux et qui peut, elle, faire éclater les formes spirituelles qui ont servi pendant l'évolution, mais qui ne servent plus pendant l'évolution, parce que l'homme, pendant cette période nouvelle, deviendra autonome dans son intelligence. C'est-à-dire qu'il ne sera plus capable de vivre en fonction d'une mémoire quelconque, ni mémoire vécue ou développée au cours de sa vie matérielle, ni mémoire vécue ou développée au cours des incarnations antérieures. Donc, il ne pourra plus vivre d'une mémoire spirituelle. La spiritualisation de l'homme, c'est de la mémoire spirituelle, c'est-à-dire, c'est l'application dans la vie de l'homme d'aujourd'hui de certaines expériences antérieures à sa vie présente. Expériences qui sont enregistrées dans le monde astral de l'invisible, qui fait partie du monde de l'esprit, mais qui ne fait pas partie du monde de l'intelligence, qui ne fait pas partie du monde de l'énergie, qui ne fait pas partie du monde de la lumière. Si nous parlons de spiritualisation de l'homme, nous devons en parler à partir du point de vue de l'homme qui a intégré l'énergie. Si nous parlons de spiritualisation de l'homme à partir de l'expérience planétaire de l'homme qui n'a pas intégré l'énergie, à ce moment-là, nous voyons une différente spiritualisation, c'est-à-dire nous voyons une expérience qui sert à ouvrir les centres de l'homme pour qu'éventuellement l'énergie descende sur la Terre et que l'homme vive l'intégration de cette énergie. Donc la fonction de la spiritualité, c'est d'amener l'homme à ouvrir ses centres d'énergie. Mais ceci ne peut se faire que lorsque l'homme est prêt à vivre la fusion avec l'énergie. Si l'homme n'est pas prêt à vivre la fusion avec l'énergie ou à intégrer l'énergie, il vivra simplement la spiritualisation de l'énergie et naturellement, il ne fera pas la synthèse de la matière et de l'énergie. Donc, il sera prisonnier de la forme spirituelle et c'est ce qui se passe dans le monde à tous les niveaux. C'est à quel moment qu'il va être prêt à ce moment-là? Est-ce que c'est quand il a assez souffert de ces conditions-là? L'homme sera prêt lorsqu'il aura suffisamment souffert de la spiritualisation. C'est impossible à un être humain de devenir intelligent créativement, c'est-à-dire d'avoir une conscience supramentale, de pouvoir comprendre les lois de l'invisible, les lois de l'astral, à partir de l'énergie, sans avoir su faire, sans avoir subi le travail que fait dans son mental, dans son émotif, l'énergie de la forme spirituelle pendant son évolution. L'homme nouveau sera obligé de souffrir parce que il sera obligé de se séparer de sa mémoire. Il sera obligé en tant qu'ego de mettre de côté toutes les valeurs, des plus basses aux plus hautes, qui servent à le spiritualiser pour faire éclater la forme de la spiritualité afin que s'engendre en lui une conscience pure, c'est-à-dire une intelligence pure, c'est-à-dire une intelligence capable de comprendre à la fois les lois du matériel et à la fois les lois de l'invisible astral. C'est très important pour nous les hommes de la nouvelle époque de comprendre la différence entre l'invisible astral et l'invisible. L'invisible n'est pas tout astral, et l'invisible astral prend toute la place dans l'esprit de l'homme. Et il faut un jour que l'homme en arrive à transpercer complètement l'invisible astral, c'est-à-dire le monde de la forme spirituelle, véhiculé par des esprits qui sont sur ses plans, pour un jour prendre le contrôle de sa vie, c'est-à-dire prendre le contrôle de l'énergie qui est la vie, et utiliser cette énergie dans un travail sur le plan matériel qui est constructif et dans un travail sur des plans parallèles qui aussi sont constructifs, mais sans qu'il soit assujetti au pouvoir de la forme à travers son mental qui colore un peu cette énergie. La spiritualisation de l'homme, c'est la coloration de l'énergie. Que vous soyez chrétien, juif, mahomédan, témoin de Jéhovah, que vous soyez occultiste, ésotériste, que vous soyez n'importe quoi, l'énergie spirituelle de votre mental, c'est une énergie qui est colorée, et elle est colorée en fonction de la mémoire que vous avez, c'est-à-dire en fonction de vos expériences antérieures. Et l'énergie ne doit pas être colorée. Si l'énergie de l'homme, ou lorsque l'énergie de l'homme ne sera plus colorée, l'homme sera intelligent, c'est-à-dire qu'il verra la coloration dans tout. Et voyant la coloration dans tout, il sera libre des illusions. Donc il ne sera plus spirituel dans le sens ancien du terme. Il sera spirituel dans un nouveau sens, mais un sens qui ne convient pas à la conscience de l'homme de l'évolution. Moi, je suis certainement un être spirituel, mais je ne suis pas un être spirituel dans le sens que l'homme le croit. Je suis un être spirituel dans ce sens que je lie l'énergie à la matière d'une façon qui convient à l'harmonie de cette énergie. De la spiritualité, c'est de l'harmonisation. Donc, si on se sert de l'énergie d'une façon harmonieuse, on peut dire qu'on est spirituel. Si on se sert de l'énergie d'une façon qui n'est pas harmonieuse, on est à ce moment-là destructeur. Donc, l'homme a le choix d'être soit spirituel ou destructeur lorsqu'il utilise cette énergie. Et s'il est, entre parenthèses, spirituel, d'une façon créative, il n'est pas assujetti à la forme spirituelle, il n'est pas assujetti à la mémoire de l'âme, donc il n'est pas assujetti au monde des esprits, donc il n'est pas assujetti aux conneries innombrables créées dans le monde des esprits pour permettre que l'homme évolue et qu'il en arrive un jour à être suffisamment avancé pour avoir la force de traduire l'énergie en réalité matérielle au lieu de simplement subir l'énergie en termes d'une spiritualisation, d'une spiritualité qui ne convient pas à l'intelligence créative d'une race qui doit fonder une nouvelle science, mais qui convient simplement à une race ancienne qui a été amenée petit à petit à se conformer à des lois universelles où l'harmonie est nécessaire pour que l'homme passe d'un stage animal à un stage humain plus avancé. Mais l'homme doit passer plus loin, l'homme doit aller plus loin, l'homme doit aller à une conscience supramentale, l'homme doit devenir surhomme, c'est-à-dire qu'il doit être complètement libre des lois de la mémoire. Donc il doit être libre éventuellement des lois de la spiritualité. Et les lois de la spiritualité sont les plus difficiles à vaincre parce que ce sont celles qui emprisonnent l'homme dans une catégorie de pensée qui pour lui est la plus élevée. Il y a donc alors trois actions ou trois jeux. Il y a l'intervention ou le jeu de l'énergie, il y a le jeu de l'esprit, il y aurait le jeu des esprits sur l'homme. C'est très juste. Il y a le jeu de l'énergie, de l'esprit et des esprits. Par exemple, les gens qui sont en relation médiumnique, télépathique avec des entités, des esprits à ce moment-là, qu'on appelle speaker aujourd'hui, qui se manifestent à travers des médiums, est-ce que ça fait partie de ce jeu des esprits dans l'homme? Ça fait partie du jeu des esprits dans l'homme. Le phénomène des speakers, c'est un phénomène qui est très intéressant. Parce qu'il y a deux aspects dans le speaker. Il y a l'aspect créatif, bon. Autrement dit, les speakers sont dans le fond des guides spirituels de l'humanité. Autrement dit, ce sont les guides spirituels qui, dans les hauts lieux des sphères astrales, guident l'évolution de l'humanité, aident l'homme. Et ça, c'est le bon côté. Le haut astral, est-ce que c'est le plan de la mémoire de ce qu'on pourrait appeler la sainteté ou quelque chose comme ça? Le haut astral, c'est le plan de la haute vibration, de la haute coloration des formes. C'est le plan de la haute évolution ancienne. C'est dans le haut astral, vous retrouvez les entités qui ont eu beaucoup d'expérience, qui ont dans le passé beaucoup souffert, donc qui ont eu beaucoup d'expérience, donc qui peuvent aider aujourd'hui l'homme. Et pour eux, aider l'homme, ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur travail, ça fait partie des lois de leur monde. Mais, et c'est ici que j'interviens, ce n'est pas parce que ça fait partie de leur travail d'aider l'homme, que l'homme est en sécurité avec eux. Parce qu'il a besoin d'aide encore. Parce qu'il a besoin d'aide. L'homme, un jour, devrait en arriver ou devra en arriver à ne plus avoir besoin d'aide. Il devra en arriver à être totalement et parfaitement autonome. Et lorsque l'homme sera autonome, à ce moment-là, ces êtres-là pourront changer de travail et aller dans une autre évolution. Présentement, ils sont autant prisonniers de l'homme ou de la terre que l'homme l'est d'eux. Il y a une dépendance. Il y a une interdépendance des deux côtés. Et ça, c'est dangereux parce que pour eux, de vivre une dépendance vis-à-vis de l'homme, ce n'est pas tellement un problème, dans un sens, parce qu'ils sont suffisamment évolués et ils évoluent dans des mondes suffisamment harmonieux pour bénéficier d'une certaine lumière. Donc, ils sont suffisamment près d'une béatitude pour pouvoir aimer leur travail, et ainsi de suite, et continuer à l'engendrer. Tandis que pour l'homme, la situation est différente. L'homme qui est médiumnique et qui est en contact avec les speakers va aussi bénéficier d'un certain lien avec eux qui va le spiritualiser, qui va lui donner de la connaissance, ainsi de suite. Mais il sera obligé, cet homme, de vivre en fonction d'eux, c'est-à-dire il sera obligé de bénéficier de son lien avec eux pendant des années jusqu'au jour où il sera capable de complètement percer la toile astrale ou la haute toile astrale de son lien avec eux pour en arriver lui-même à être en contact direct avec son énergie. Donc, les speakers ont à la fois la grande vertu d'aider l'humanité, ce sont des êtres qui sont évolués, et à la fois, ils ont la vertu de rendre l'homme prisonnier de leur façon de voir les choses. Et tant que l'homme est spirituel, il ne peut pas voir à travers ceci parce que sa vision est trop colorée et elle est trop colorée par eux. L'homme devient absolument impuissant à pouvoir déchirer les voiles de ses hauts plans de l'astral. Donc pour que l'homme puisse briser ses hauts voiles de l'astral, il faut qu'il soit en contact avec son énergie, c'est-à-dire avec son esprit. Donc c'est à ce moment-là que l'homme découvre une autonomie, qu'il n'a plus besoin de guide spirituel, à quelque niveau que ce soit, qu'il est totalement intégré, ou qu'il en vient un jour à être totalement intégré dans son énergie, parce que son esprit devient le seul point de référence qu'il a vis-à-vis tout ce qui est astral ou tout ce qui est du monde des esprits. Il y a une très grande différence entre l'esprit de l'homme et le monde des esprits. L'esprit de l'homme, ce n'est pas pareil, semblable à ce que nous pouvons appeler l'esprit dans le monde des esprits. Le monde des esprits, c'est de la mémoire. Tandis que l'esprit de l'homme, c'est une énergie qui a suffisamment évolué pour devenir intelligente. Lorsque cette énergie est devenue suffisamment intelligente parce qu'elle a évolué, elle devient l'esprit de l'homme. Lorsque l'homme meurt, il retourne dans l'astral. Il retourne dans le monde des esprits, il retourne dans le monde de la mémoire. Il apporte avec lui le matériel de sa conscience planétaire. Et il vit. S'il est évolué, il vit avec ce matériel. Mais il y a toujours dans le monde de l'astral un autre monde que le monde des esprits recherche. Et ce monde, c'est le monde de l'énergie, à l'intérieur duquel existe l'esprit de l'homme. Donc l'homme possède un esprit quand il est dans le monde de l'astral, comme l'homme possède un esprit quand il est dans le monde de la matière. Donc il n'y a pas de différence entre les morts et les vivants. Il n'y a pas de différence entre le statut universel de l'homme qui est sur une planète et le statut universel de l'homme qui est dans l'astral. Il n'y a pas de différence. Mais l'homme qui est dans l'astral, ou l'âme, ou la mémoire, qui est libre du corps matériel, elle a beaucoup plus de pouvoir sur l'homme qui est dans un corps matériel, ou l'âme qui est dans un corps matériel, parce qu'elle n'est pas limitée par les sens. Ce sont nos sens qui nous habituent, qui nous forcent à nous conformer au monde de l'astral. Ce sont nos sens qui nous empêchent de voir dans le monde de l'astral. Ce sont nos sens qui nous empêchent de comprendre la mécanique, l'organisation systématique de ce monde-là. Si nous étions libres de nos sens, nous pourrions facilement voir dans ces mondes. Et à ce moment-là, nous pourrions facilement comprendre l'interrelationnel entre le monde de la mort et le monde de la matière. Donc, nous comprendrions facilement les lois du jeu. Donc, nous n'aurions pas tendance à nous spiritualiser parce que nous verrions que nous sommes manipulés. Nous sommes manipulés pour de bonnes raisons, nous sommes manipulés pour des raisons d'évolution, nous sommes manipulés pour des raisons du passage du stage animal au stage humain, mais nous ne pouvons pas être manipulés, c'est-à-dire amenés, à passer du stage humain au stage du surhomme. Ça, nous devons le faire nous-mêmes. Donc l'homme sur Terre commence à être réel à partir du moment où il est capable de voir la nullité de tout ce qui est astral, c'est-à-dire de tout ce qui est spirituel. Mais quand je dis de voir la nullité, je ne veux pas dire de nier son importance. Je veux dire de voir sa nullité dans ce sens que ces êtres-là sont dans une position inverse de l'homme. Un jour, ils devront revenir dans la matière pour vivre la fusion avec l'énergie. Mais ceci, ils ne le savent pas. Un des plus grands mystères de l'homme, un des plus grands mystères de l'énergie, c'est le fait que c'est l'homme qui sait et non l'esprit dans le monde de l'astral. C'est l'homme qui sait, qui connaît les lois de l'énergie, ce n'est pas l'esprit dans le monde de l'astral. Les speakers ne connaissent pas les lois de l'énergie, ils connaissent les lois de la vibration. Ils connaissent les lois de la coloration, ils connaissent les lois de la programmation, ils connaissent les lois de la relation entre l'homme et leur monde sur le plan cyclique de la vie et de la mort, mais ils ne connaissent pas les lois de l'énergie. Pour connaître les lois de l'énergie, il faut être en fusion avec l'énergie et avoir avec le temps intégré l'énergie. Et ceci implique avoir passé à travers le monde de l'astral. Ceci implique avoir passé à travers les enfers, si vous voulez, pour en arriver éventuellement à faire ou à vivre une connexion directe entre l'énergie et l'homme, ce qu'on appelle la connexion directe entre l'esprit et l'homme. À ce moment-là, l'homme est dans une conscience totale, il est dans une conscience pure, et il peut parler avec les entités qui sont dans le monde de l'astral, mais c'est lui qui parle à eux, ce ne sont pas elles qui parlent à lui. Un homme qui est dans son énergie, qui a intégré l'énergie, ne peut plus être éduqué, ne peut plus être guidé, ne peut plus être spiritualisé, ne peut plus être enseigné par l'astral, parce que déjà, il est en contact avec l'énergie qui sous-tend tous les mondes. Donc déjà, sur le plan matériel, dans la matière, il est plus avancé que les morts, qui sont sur les hauts plans de l'astral, qui sont dans les hautes sphères, et qui, pendant des millénaires, ont servi dans ces plans à l'évolution, ont servi à guider les hommes, ont servi à aider les hommes, parce que ça faisait partie de leur vie, c'est-à-dire ça faisait partie de leur besoin. Les êtres dans l'astral, dans le monde de l'astral, ne vivent pas comme nous vivons ici. Ici, nous vivons en fonction de certains besoins qui découlent de notre spiritualité. tandis qu'eux vivent de certains besoins qui découlent de leur incapacité de connaître la lumière. Ce que je veux dire, c'est que sur le plan humain, notre vie découle des besoins qui sont directement le relief de notre mémoire. Nous vivons ici sur la terre en fonction de notre mémoire, consciente ou inconsciente. Donc, plus notre mémoire a de la puissance ou du pouvoir chez nous, plus notre vie elle est conditionnée par notre mémoire, donc plus elle est conditionnée par le monde de l'astral. Tandis que dans le monde des esprits, eux, n'étant pas assujettis aux lois de la matière, ils sont assujettis à d'autres lois. Ils ne sont pas mieux que nous. Leur vie n'est pas plus facile que la nôtre, bien qu'elle soit très différente de la nôtre. Ils ont, eux aussi, le grand besoin de connaître, selon leur mémoire, ils ont, eux aussi, besoin de connaître la finalité. Pour eux, la finalité, c'est Dieu. Mais ils sont dans une position spatio-temporelle différente de la nôtre qui fait en sorte qu'ils voient cette lumière, tandis que nous ne la voyons pas. Eux la voient, et la vision de cette lumière pour eux est justement la force qui les motive à avancer, donc à aider l'homme sur la terre. Eux aident l'homme sur la terre parce qu'ils voient dans le fin fond de leur cosmos la lumière vers laquelle ils doivent s'acheminer, et lorsqu'ils sont suffisamment avancés pour voir cette lumière, à ce moment-là, ils ont la tendance naturelle à vouloir aider l'homme d'une façon ou d'une autre. Mais lorsqu'ils aident l'homme, ils aident toujours l'homme en fonction de leur statut universel. Donc, en fonction de leur propre référence. Donc, en fonction ultimement de leur propre ignorance des lois de l'énergie. Et c'est là que l'homme nouveau entre en jeu. L'homme nouveau, lui, il est intégré à l'énergie. Il est fusionné avec l'énergie, donc il n'a plus besoin de subir l'apport spirituel, l'apport des services que les êtres spirituels peuvent lui apporter. Il n'a pas à subir non plus l'apport des illusions qu'elles peuvent lui apporter en relation avec le service, surtout si les hommes sont médiumniques, par exemple. Et à ce moment-là, l'homme, il est libre de savoir, c'est-à-dire qu'il est capable, à cause de son intégration avec l'énergie, de se situer mentalement vis-à-vis le cosmos matériel et le cosmos invisible. Parce que l'énergie, elle, étant absolue, l'énergie, elle, ayant évolué à un certain niveau qui permet ce que nous appelons le phénomène de l'intelligence, c'est-à-dire la spiritualisation de l'énergie. L'intelligence et la spiritualisation de l'énergie dans l'autre sens. À ce moment-là, l'homme est en contact avec son esprit. Et l'énergie qui passe en lui, qui se véhicule à travers son plan mental, rendu à un certain niveau d'évolution, est suffisamment déspiritualisée pour ne plus avoir ou posséder l'apparence de la personnification. Donc, l'homme conscient sait, même s'il est en contact avec l'énergie qui se véhicule à travers son mental, lui parle. Il sait que cette communication n'est pas une communication personnalisée, que c'est simplement ou que ça fait simplement partie des lois extraordinaires de l'énergie de se rendre consciente à l'homme par ce que nous appelons la pensée. Donc, la pensée chez l'homme conscient est réellement, lorsqu'elle est pure, la phénoménalisation de l'énergie. Elle est l'expression de l'énergie sur le plan mental. Donc, le phénomène de la pensée, il n'est plus un phénomène spirituel. Il est simplement la représentation dans le mental de l'homme, de l'actualisation de l'énergie dans une instantanéité cosmique qui permet à l'homme de pouvoir, au niveau de son cérébral, interpréter cette énergie et lui rendre, par la parole ou par la pensée, une valeur quelconque sur le plan de la science, sur le plan de la connaissance. Est-ce qu'on peut... Vous avez vu que de quelle manière le symbolisme de l'amour a évolué. Vous avez vu les pancartes à l'entrée, Cupidon a troqué ses flèches pour Dan. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les pancartes. J'aime ton chum, j'aime ta blonde, j'aime la bière. On peut brancher le micro. De préparation ont été nécessaires pour s'assurer que le son fonctionnerait parfaitement. Non. Voilà. C'est magique. Alors, Bernard Montréal, j'aimerais qu'on s'entretienne aujourd'hui sur un sujet qui nous concerne tous. C'est à la fois un sujet de philosophie, de métaphysique, mais de psychologie aussi appliquée au niveau du quotidien. Il s'agit de deux antagonistes notoires, la richesse et la pauvreté. On sait qu'ils ne font pas bon ménage ensemble et les avis sont très partagés sur ces concepts. La notion de richesse est incompatible avec, semble-t-il, la notion de réalisation, d'évolution de la conscience, ou on va dire de réalisation, de développement spirituel, puisqu'il faut employer ce mot. Alors, je n'ai pris que quelques exemplaires de petits proverbes à travers le monde qui illustrent parfaitement cet antagonisme, cette impossibilité de se réaliser par la richesse. Tout le monde connaît, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Mais il y en a d'autres qui sont moins connus, qui sont très révélateurs, tels « la richesse n'appartient pas aux intelligents ». Je vous demanderai de ne pas réagir tout de suite. « Le riche est un coquin ou le fils d'un coquin. Dieu regarde les mains pures, non les mains pleines. » Le vice est caché par la richesse et la vertu par la pauvreté. Et il y en a comme ça d'innombrables qui reflètent cette même idée de pensée à travers le monde entier, à l'exception près d'un seul que j'ai pu trouver, un proverbe africain. Mais il faut dire que les Africains y ont goûté à la pauvreté. Et j'ai trouvé ça admirable. Les Africains disent « La forêt est d'avis que les pauvres n'ont pas la sagesse des riches, car si un homme est sage, pourquoi est-il pauvre ? » C'est en fait ma question. Vous savez, les proverbes qui tapissent l'histoire de l'homme font tous partie de l'évolution. C'est-à-dire que dans le passé de l'homme, l'humanité en général était forcée de se nourrir de proverbes qui définissaient un certain comportement humain sur le plan moral. Quand l'homme est inconscient, quand l'homme n'est pas dans son intelligence créative, quand l'homme est exploité pendant des millénaires par une conscience expérimentale, tant qu'il ne possède pas un mental totalement individualisé, qu'il possède un mental collectif, l'homme est obligé de vivre sa vie matérielle en fonction soit des forces matérielles de la planète ou soit en fonction des forces spirituelles de la planète. Et ces deux forces partagent le butin. Les forces matérielles s'enrichissent, les forces spirituelles appauvrissent l'homme pour l'enrichir intérieurement. Et pendant des siècles, nous avons été habitués, forcés, de constater que l'évolution matérielle de l'homme le forçait à vivre sur le plan de la richesse en fonction d'une certaine inconscience, grâce. D'où le fait que les moralistes, les spirituels, se sont vus forcés, de par l'expérience de l'humanité, de par l'expérience des individus, de reconnaître que, effectivement, en général, la richesse a tendance à appauvrir l'homme spirituellement. Sur le plan de la spiritualité, ce fut le contraire. ceux qui ont cherché la pureté, ceux qui ont cherché, non, je ne dirais pas la conscience, parce que la conscience fait partie de l'évolution du siècle qui vient devant nous. Mais ceux qui ont cherché la spiritualité, la pureté dans les mœurs, dans les idées, dans le comportement humain, ont voulu se retirer de l'arène matérielle pour épouser le sanctuaire de la spiritualité, et à cause de la dichotomie qui était déjà établie dans la société, ils étaient obligés de faire camp à part, c'est-à-dire de s'appauvrir matériellement pour s'enrichir spirituellement. Donc, pendant l'évolution, il y a eu la polarité ou la dichotomie de la richesse et de la pauvreté, et ceci faisait partie normale de l'évolution, c'était l'inévitable conflit qui prenait sa source à l'intérieur de l'inconscience de l'homme. Et quand je parle de l'inconscience de l'homme, je parle autant de l'inconscience des riches que de l'inconscience des êtres spirituels. Donc, nous arrivons aujourd'hui dans un cycle nouveau où l'homme, en prenant conscience, c'est-à-dire en entrant dans son intelligence créative et sa volonté créative, ne voit plus la pauvreté et la richesse du même œil. Il ne voit plus le matériel de la façon ancienne. Il ne voit plus la spiritualité non plus de la façon ancienne. Pour un homme aujourd'hui qui est conscient, la spiritualité inconsciente, purement astrale, fait aussi partie de l'ignorance de l'homme, de la même façon que la richesse inconsciente astrale fait partie de l'inconscience de l'homme. Et ce n'est pas normal pour un être humain conscient, créatif, qui possède une volonté créative, qui est plein de force de vie sur le plan mental, sur le plan créatif, ce n'est pas normal qu'un être soit sur une planète et qu'il éprouve la pauvreté morbide ou qu'il vive dans une richesse qui n'a pas de sens. Donc, si nous voulons parler ou traiter de la richesse ou de la pauvreté d'une façon intelligente, nous ne pouvons pas continuer à jouer le jeu de la dichotomie, à jouer la lutte ou la confrontation de la spiritualité versus le matérialisme. Effectivement, dans le passé, pour l'évolution de l'âme, pour l'évolution de la spiritualité, il fallut que des hommes se retranchent du matérialisme afin de pouvoir se créer un état intérieur beaucoup plus relax, beaucoup plus sensible à des vertus internes. Mais ce n'est pas une loi de l'évolution, c'est une loi de l'involution. La loi de l'évolution préconise que l'homme puisse, sur le plan mental, utiliser ses forces intérieures qui sont créatives, organiser les forces extérieures qui sont matérielles, afin de former une synthèse pour que l'humanité, un jour, sorte de la pauvreté et puisse continuer avec son intelligence créative à perforer les murs du sanctum intérieur qui a toujours été pour l'homme un mur mystérieux, afin que l'homme en arrive un jour à être riche dans l'esprit et aussi riche dans la matière. Mais ceci, il faut que l'homme soit conscient. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme ait une conscience très nette des valeurs, à la fois spirituelles et à la fois matérielles, et qu'il ne laisse pas les valeurs spirituelles influer sur son matériel, ni les valeurs matérielles influer sur sa spiritualité. Si l'homme devient esclave de la spiritualité, à ce moment-là, il s'appauvrit. S'il devient esclave de la matérialité, il s'appauvrit spirituellement. Et si l'homme est conscient, il ne peut pas devenir esclave parce qu'un homme conscient est, de par la définition même de la puissance de la conscience créative, est libre dans l'esprit comme il est libre dans la matière. Donc à ce moment-là, la synthèse du matérialisme et de la spiritualité se clôt, elle est terminée, elle se fait, et l'homme commence à évoluer et à se créer et à se donner une civilisation qui a du bon sens, à vivre à l'intérieur d'une société qui est plus ennoblie par la répartition équilibré des forces créatives intérieures avec un monde extérieur matériel. Il est inévitablement intelligent que l'homme vive la fusion de ses parties, c'est-à-dire qu'il vive sa spiritualité d'une façon intelligente, qu'il vive son matériel d'une façon intelligente, mais pour ceci, il faut qu'il soit intelligent. Et si nous regardons l'histoire, nous voyons que dans l'évolution de la richesse, il n'y a pas eu d'intelligence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de force créative, il y a eu simplement des forces qui ont cherché à développer une certaine territorialité afin de pouvoir étamper dans le monde le sceau du pouvoir. Et dans le monde de la spiritualité, ce fut la même chose. Il n'y a pas eu d'évolution spirituelle intelligente dans le monde. Il n'y a eu pendant des siècles qu'une évolution spirituelle baignant dans le sang de l'émotivité humaine, assujettie à des contestations philosophiques, imprimée dans le mental humain par une métaphysique soit ésotérique, soit occulte, ou soit purement théologique, d'où l'homme se trouvait. Que ce fût dans un camp ou dans un autre, l'être qui devait le vivre, ce camp, d'une façon abrutissante. Et avec l'évolution qui vient, avec le nouvel âge, ceci ne pourra plus être parce que les hommes entreront dans l'individualité de leur mental, ils pourront apprécier le matériel, ils pourront apprécier les spirituels, ils seront libres des deux parce qu'ils seront dans l'intelligence et la volonté créative de leur nouvelle conscience. Donc à ce moment-là, ils donneront la place à l'espiritualité qui lui vaut, ils donneront la place à la matérialité qui lui vaut, et à ce moment-là, ils vivront libres dans le mental de la dichotomie de ces deux aspects qui, dans le passé, ont été les sources abominables de la confrontation entre l'esprit et l'âme pour le bénéfice de forces qui font partie de ce qui, dans l'homme, est exclu du territoire de la connaissance et ne fait partie que d'une forme d'ignorance ancestrale, primitive, planétaire et répandue dans toutes les nations de la Terre et utilisée par toutes les formes de pensée, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit philosophique ou qu'elle soit métaphysique, pour le bénéfice d'une structuration psychologique de le comportement humain, afin que le pouvoir spirituel demeure sur la terre ou que le pouvoir matériel demeure sur la terre et que l'esprit de l'homme soit exclu de la vision totale, humaine, créative, cosmique de l'humanité future. C'est ça. Alors, à travers les âges, il y a toujours eu une philosophie de l'être-té. On a beaucoup débattu sur l'être et l'avoir a toujours été négligé et même fait l'objet d'un complexe à travers le temps. Est-ce qu'il va y avoir, avec l'homme nouveau, une nouvelle perception, une nouvelle conscience, une philosophie ou une psychologie de l'avoir ? L'homme nouveau ne sera pas intéressé à débattre philosophiquement l'être-té. Il ne sera pas intéressé à étaler les aspects psychologiques de l'être-té. L'homme nouveau sera l'expression de l'énergie créative qui, pour des raisons d'instruction, pour des raisons d'information, pour des raisons de diffusion dans le monde, autrement dit, pour des raisons de scolasticité à un certain niveau ou à un autre, il pourra développer, parler de, utiliser sa parole créative pour donner exemple à cette parole créative à travers des formes qui feront éclater d'une façon ou d'une autre les forteresses psychologiques, métaphysiques, ésotériques ou occultes de la philosophie de l'être-té ou le grand encampement spirituel de cet être-té vu par ceux qui ont plutôt une foi religieuse. L'homme nouveau est le produit d'une mutation. Il est l'expression dans le monde de notre planète d'une nouvelle vibration que les hommes ne peuvent pas arrêter, vibration qui fait partie des mêmes vibrations qui dans le passé ont donné naissance à l'Atlantide, ont donné naissance à la race indo-européenne et donneront naissance à une nouvelle race future et ensuite à une septième race future. Donc l'évolution de la Terre fait partie de l'imprégnation graduelle des forces cosmiques invisibles pour la plupart des hommes dans la matière mentale cérébrale de l'homme. Ceci créera une mutation et cette mutation, les hommes qui sont plus résonnants à cette énergie à cause de leur évolution, à cause de la vibration de leur esprit ou à cause de la présence de leur double à travers la faculté cérébrale de leur psychisme gauchiste ou droit, ces hommes seront capables de voir, de réaliser, de sentir qu'ils pulsent en eux des forces de vie qui sont créatives, qui font partie d'eux sur des plans invisibles, qu'un jour ils pourront vivre dans une unité totale qu'on appellera dans ce temps-là la fusion, mais ces hommes ne seront plus intéressés à faire de la philosophie sur l'être-té et la philosophie disparaîtra de la surface de la Terre, la métaphysique s'éteindra sur les sommets de la composition philosophique penser que la psychologie sera totalement renversée pour rendre à l'homme finalement les outils qui lui sont siens, c'est-à-dire les paramètres invisibles qui constituent la construction psychologique de l'ego, le fait du moi, la réalité du surmoi, l'intégration du surmoi avec le moi et l'éclosion éventuellement dans le temps et l'explosion dans le temps de ce que nous appelons aujourd'hui l'inconscient ou le subconscient, pour que l'homme un jour en arrive à pouvoir, sur le plan de son esprit, à voyager dans des espaces parallèles, à pouvoir récupérer les sources immenses d'énergie qu'on appelle de la connaissance intelligente, afin de se créer une nouvelle civilisation. Ces temps-là sont finis. Ils finissent avec l'introduction sur la planète Terre de la conscience supramentale. Ceux qui sont dans le mouvement de cette énergie commencent un peu à le sentir, mais ça prendra des années avant que les hommes sachent réellement et d'une façon absolue que le passé n'a plus de pouvoir sur eux, que l'homme perdra le mémoriel parce que le mémoriel a été institué par le pouvoir à la fois invisible, occulte de la conscience de l'homme, et il a été utilisé par les structures psychologiques que l'homme a créées à l'intérieur de ses concepts et de ses forces occultes. Donc demain, l'homme n'aura même plus besoin du mémoriel parce que le mémoriel sera institué dans la machinisation de l'intelligence. Il fera partie de l'organisation de la programmation de machines très développées et l'homme ne s'occupera que de créer, c'est-à-dire il ne s'occupera que de rendre dans la matière une énergie qui, pendant l'évolution, a toujours fait partie du pouvoir des dieux, mais qui n'a jamais fait partie du pouvoir des hommes. Il semble que dans le mental collectif de l'humanité, tout au moins, la richesse ne peut se faire qu'au détriment des autres. On ne peut s'enrichir qu'au détriment de la collectivité. Oui, parce que l'homme n'est pas suffisamment conscient. Si l'homme est inconscient, il est polarisé. Donc, s'il est polarisé, il est évident. Vous ne pouvez pas demander à un homme polarisé, à un homme qui possède une vraie ou une fausse personnalité et qui ne possède pas de personnalité réelle, vous ne pouvez pas lui demander de faire la synthèse de la matière ou de faire la synthèse de la spiritualité. Si vous lui demandez de travailler avec le matériel, il va travailler avec le matériel selon les lois très, très primitives de sa conscience polarisée. Si vous lui demandez de traiter avec le spirituel, dans quelque domaine que ce soit, il travaillera toujours avec le spirituel en fonction des aspects primitifs de la symbologie psychologique qui fait sienne. Donc, l'homme est capable aujourd'hui de traiter, de travailler avec les aspects internes ou externes de la vie parce qu'il est inconscient. Mais ce n'est pas l'homme de demain. L'homme de demain pourra travailler avec le matériel comme il pourra travailler avec le spirituel parce qu'il sera en dehors de la valeur psychologique, primitive, subjective, de l'émotion qui détient sur son mental la puissance de l'évolution. L'homme de demain sera libre des forces de l'évolution. Vous ne pourrez pas influencer l'homme à partir de l'émotion. Vous ne pourrez pas mentir à l'homme à partir de certaines fonctions psychologiques parce que l'homme sera dans sa propre lumière, il sera dans sa propre énergie. Donc, étant dans sa propre énergie, il sera créateur et il ne sera plus assujetti à des formes de comportement qui font partie de l'évolution que nous respectons aujourd'hui et que nous sommes obligés de dire, mais effectivement, si vous êtes riche, c'est difficile de rentrer dans le royaume des cieux, et d'un autre côté, si vous êtes trop spirituel, c'est très difficile pour vous de pouvoir vous nourrir, de nourrir vos enfants, ainsi de suite. Parce que il y a dans la spiritualité inconsciente ou dans le matériel inconscient un manque d'intelligence. Et comme il y a un manque d'intelligence, c'est-à-dire un manque de force créative que l'homme ne connaît pas encore, que l'homme connaîtra au fur et à mesure qu'il vivra la transformation de ses corps avec l'évolution future, à ce moment-là, nous sommes obligés de constater le fait. Mais ce n'est pas parce que les proverbes ont dit pendant des millénaires telle chose qu'il faut, nous, aujourd'hui, comme des singes, dire, bon, les proverbes ont dit telle chose pendant des millénaires, parce qu'à ce moment-là, nous devenons des singes des proverbes. Et le problème de l'homme aujourd'hui, c'est que l'homme passe son temps à citer ce qui s'est passé il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, l'homme était primitif, il y a encore aujourd'hui. Il y a 5000 ans, il était encore plus. Effectivement, il y a eu des valeurs morales qui ont été instituées dans ce temps-là parce que ça faisait partie de l'évolution, ça faisait partie de la programmation expérimentale de la conscience de l'homme. Dans ce temps-là, oui, effectivement, à l'intérieur de des lois de cause et d'effet, à l'intérieur de la polarité, de cette vérité que nous recherchions ou de ce mensonge dont nous essayons de nous séparer, il y avait dans ces proverbes une certaine vertu, mais c'était des vertus temporaires. Il ne faut jamais prendre la polarité ou ce qui est polarisé comme du réel. on admet généralement que les proverbes reflètent le gros bon sens de l'humanité. Les proverbes reflètent le gros bon sens de l'humanité pendant cette période de temps où le bon sens de l'humanité n'est qu'un bon sens ignorant. Programmé. Tant que le bon sens est ignorant, tant que le bon sens est programmé, effectivement, les proverbes servent à mettre en relief ce bon sens programmé. Mais le bon sens, ce n'est pas de l'intelligence. Le bon sens, c'est de l'expérience accumulative qui, d'une façon statistique, donne à l'humanité l'impression d'une relation étroite entre la vérité et le mensonge. Le bon sens, c'est une forme psychologique d'expression par la voie mentale de l'homme, par la voie émotionnelle de l'homme, de la collaboration entre les événements et son impuissance. Le bon sens, c'est la nourriture que l'on sert aux pauvres d'esprit pour leur donner au moins le bonheur de se savoir plus près de Dieu. Mais ce n'est pas ce que l'homme a de besoin. L'homme a besoin d'être dans son intelligence, autrement dit, d'être l'expression synthétique du pouvoir créatif qui anime la matière, l'astral, le vital, le mental et le mental supérieur. L'homme n'est pas une partie indéfinie, structurée et divisée de la réalité. L'homme fait partie de la réalité et il est l'expression dans le cosmos planétaire de cette réalité, mais dans une totalité qui n'est pas encore parfaitement exprimée. Et c'est pourquoi nous sommes obligés, pendant des siècles, de nous abreuver ou de nous agenouiller devant les encensoirs de ces proverbes et de dire, oui, effectivement, si tu es pauvre, tu ne peux pas aller, si tu es riche, tu ne peux pas aller dans le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qui se fait? C'est que l'humanité se sépare en deux. Vous avez les riches qui prennent le pouvoir et vous avez les pauvres qui pourrissent dans le désert. Et ensuite, on va dire, mais comment ça se fait qu'il y a des pauvres qui pourrissent dans le désert? Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'intelligence dans le monde pour ramener les riches et les pauvres ensemble et former une belle civilisation. Donner aux pauvres les outils dont ils ont le besoin pour se sortir de leur situation atroce et donner aux riches l'intelligence dont ils ont le besoin pour bien répartir le butin humain. C'est la confrontation d'aujourd'hui, c'est le problème d'aujourd'hui. D'où vient aujourd'hui le capitalisme et le communisme dans son origine fondamentale? Le capitalisme et le communisme viennent du fait que l'homme a réalisé, de par son expérience, qu'il y avait des riches et qu'il y avait des pauvres. Donc, nous, aujourd'hui, la politisation d'un système à cause, justement, de cette dichotomie. Et un jour, il faudra que la Terre soit socialisée à un autre niveau. Il faudra qu'il y ait intégration entre ce que nous appelons le communisme et le capitalisme, les formes opposées de gestion du patrimoine humain. Il faudra. Sinon, il y aura un éclatement dans la vie de l'homme, et cet éclatement fera partie de la fin d'un cycle. Et si ce doit être, ce sera parce que les forces de l'évolution et les forces de l'évolution sont aujourd'hui dans une position de combat extraordinaire. Et ceux qui sont extrêmement près de l'aspect occulte de la vie le savent, autant sur le plan matériel que sur les plans invisibles. Et il faut un jour qu'il y ait une intégration de ces forces. Nous ne pouvons pas vivre la polarité indéfiniment. Nous ne pouvons pas vivre la polarité de la Russie et des États-Unis indéfiniment. Nous ne pouvons pas vivre la polarité de la pauvreté et de la richesse indéfiniment. Quelque part dans le monde, l'homme vivra le choc du futur, et ce choc du futur lui sera réalisé qu'effectivement le temps de la séparation des tâches, de la séparation des vertus, de la séparation de l'émotion et du mental, de la séparation de la matière et de la spiritualité doit cesser pour que l'homme entre dans une nouvelle évolution où tous les hommes de la Terre ont accès au matériel et tous les hommes de la Terre ont accès à leur propre. À leur propre être-té, leur propre réalité interne, pas une réalité qui est conditionnée, qui est raciale, qui est culturelle, qui est nationale, qui est religieuse, sectarienne, mais une être-té qui fait partie de la réalité de l'homme. Et ça fait partie de l'évolution du mental. Et je vous assure, mon cher ami, que l'évolution du mental, c'est la plus haute des tâches, c'est le plus haut Himalaya que l'homme n'a jamais connu. Et lorsque l'homme connaîtra la réalité, ce qu'il doit vivre pour réellement connaître essentiellement l'identité de son mental, l'individualité de son mental, tout en respectant le mental collectif, l'homme verra qu'est-ce que c'est que ça veut dire être dans la synthèse du bien et du mal, d'être dans la synthèse de la polarité, d'être au-dessus des forces qui sont polarisées, qui sont nécessaires, qui font partie de l'organisation du cosmos, mais dont eux sont capables de travailler avec afin de pouvoir donner à ces forces qui sont constamment en opposition, finalement un visage qui ressemble à l'unitisation de la conscience sur la Terre, au lieu de la séparation et de la division tel que vous l'expliquez dans l'aspect extrêmement journalier de la pauvreté et de la richesse. Moi, je n'ai aucune sympathie pour les pauvres et je n'ai aucune sympathie pour les riches qui utilisent les pauvres. Mais de l'autre côté, je sais que l'homme, un jour, devra sortir de la richesse, c'est-à-dire sortir de la pauvreté, s'il veut développer dans sa vie un équilibre, il devra un jour contrôler la richesse aberrante que certains hommes, que certains monopoles possèdent, afin de donner aux pauvres la chance de multiplier leurs efforts créatifs, afin qu'il y ait dans la civilisation des hommes qui souvent ont, pour des raisons d'hérédité, pour des raisons d'intelligence, pour des raisons karmiques, le pouvoir d'être plus riche que d'autres, ou de travailler avec la richesse, de faire mouvoir cette énergie puissante qui donne les rues, les avions, la technologie, et d'autres hommes qui ont aussi la sensibilité extrême pour faire valoir et donner à cette richesse un visage humain. Alors, en résumé, le monde est quand même réellement divisé entre l'avoir et le n'avoir pas, ce qui possède de ceux qui ne possèdent pas. Et il y a le riche qui se fait soigner par le docteur et le pauvre qui se fait par le travail. Ça existe toujours, ça. Mais comment est-ce que justement on peut arriver à faire une synthèse au travers de cette dichotomie-là dans le quotidien? La synthèse, qu'est-ce que c'est qui manque peut-être pour faire la synthèse, pour sortir de la pauvreté par exemple? Il manque de l'intelligence. L'homme n'est pas intelligent. Quand je parle d'intelligence, je ne parle pas du doctorat à l'université. Ce n'est pas ça de l'intelligence, ça c'est de la mémoire. Je parle de l'intelligence créative. De l'intelligence créative, c'est dans tous les hommes. Il n'y a pas un homme sur la Terre qui ne possède pas accès à son intelligence créative. Mais cette énergie, elle est bloquée. Elle est bloquée par les forces sociales, les forces spirituelles, les forces philosophiques, les forces existentielles. Elle est bloquée par les forces de l'évolution. L'homme, quand il sera capable de faire sauter ces forces qui en lui bloquent son énergie, à ce moment-là, il pourra faire la synthèse de la pauvreté et de la richesse. Il pourra commencer à participer créativement dans la vie et se situer selon son espace dans la vie sur la planète. Il y a beaucoup d'espace sur la planète. Il y a de l'espace pour tous les hommes et il y a dans tous les hommes de la lumière, mais il faut que cette lumière sorte. Mais si cette lumière ne jaillit pas parce qu'il y a trop d'interférences, c'est à l'homme lui-même de la faire jaillir, parce que c'est l'homme lui-même qui est responsable de son destin. Ce ne sont pas les forces religieuses, ce ne sont pas les forces sociales, ce ne sont pas les forces d'évolution. C'est l'individu lui-même qui est responsable de son destin. Et un jour, l'homme réalisera ceci. Un jour, l'homme réalisera que ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les forces collectives qui peuvent aider l'individu. Ces systèmes-là sont des systèmes extérieurs pour lui faciliter la vie extérieure. Mais la vie intérieure de l'homme, elle dépend de l'homme et l'homme doit en arriver un jour à être suffisamment près de son intelligence, c'est-à-dire suffisamment libre du mémoriel qui est entaché à un niveau incroyable par le mémoriel historique, le mémoriel psychologique, le mémoriel spirituel, que ceci entrave l'évolution de l'individu et l'empêche d'être d'une façon imminente, absolue, caractérielle dans son intelligence créative, autrement dit, l'empêche d'être lui-même. Est-ce qu'on peut dire à l'extrême que la pauvreté serait une attitude? La pauvreté est une attitude comme la richesse, les deux sont des attitudes. La pauvreté, la richesse, ce sont deux attitudes. Regardez les hommes qui sont riches, ils ont des attitudes vis-à-vis de la richesse. Vous regardez les hommes pauvres, ils ont des attitudes vis-à-vis de la richesse. Seulement, les hommes qui sont riches ont moins de difficultés sur le plan matériel que les hommes pauvres. Seulement, eux aussi ont leur malheur intérieur. Parce que vous ne pouvez pas dire parce qu'un homme il est riche qu'il est plus heureux qu'un homme qui est pauvre. Et un homme qui est pauvre ne peut pas dire qu'il est plus heureux qu'un homme qui est riche. Seulement que l'homme réalisera demain, l'homme de la nouvelle évolution réalisera une chose. Que dans la conscience cosmique, dans la conscience réelle, dans l'identité réelle de l'homme, le bonheur n'existe pas. Le bonheur, ça fait partie de la vie proverbiale idéalisée par l'homme pendant des millénaires. Parce qu'il était pauvre ou qu'il était mal riche. Qu'est-ce que c'est être heureux? Pourquoi les hommes sur la terre veulent être heureux? Parce qu'ils ne sont pas riches, ou parce qu'ils sont mal riches, ou parce qu'ils sont mal pauvres? Si les hommes ne vivaient pas la dichotomie, la polarité de la richesse et de la pauvreté, vous n'entendriez pas sur la terre les hommes parler du bonheur, être à la recherche du bonheur. Pour le pauvre être à la recherche du bonheur, c'est probablement d'être plus riche. Pour le riche, c'est de ne pas avoir les problèmes qu'il a. tumbo.